sens. Les avances courbées contre le froid, passées par instant comme une flamme. Et l'on en survit à l'horreur. Le désert des tordures. Les jours passent, nous ressemblent pas.